tous les jours. Je te le dis, René, que ça ne va pas durer. J'ai dû tout tenter pour ne pas céder. Je t'aimais, tout pardonner, oh, j'en ai bavé presque tous les jours. Je dois te dire, René, que ça ne va pas durer. Je me suis mis à boire pour tout oublier. Le whisky m'a bien aidé, oh, j'en ai bavé presque tous les jours. Ça ne va pas durer.